Serais-tu capable, serais-tu capable de vivre à pleine dent? Serais-tu capable de me prendre dans ton lit, même si tu es mon ami? Serais-tu capable de me faire l'amour, même si ce n'est que pour un jour? Serais-tu capable, le temps d'un instant, de me faire ton cette vie, cet amour coulé dans nos veines? Serais-tu capable, serais-tu capable de vivre enfin pleinement? Serais-tu capable, serais-tu capable de vivre à pleine dent? Serais-tu capable, serais-tu capable?